Cette semaine, on parle du pouvoir de l'image, de photobombes célestes, de timelapse, de noir et blanc, et on vous fait la critique du drone Bebop de Parrot. Vous écoutez l'épisode 78 d'Objectif numérique! Stéphane Vaillancourt au micro, avec mes collaborateurs habituels, François Blanchette Hey. Et Christian Jarry. Hello! Alors messieurs, qu'avez-vous fait depuis le dernier épisode côté photo? Hein, évidemment, le reste de votre vie, on s'en tape. Mais... Il est toujours aussi gentil. Christian, à toi l'honneur. C'est toi par ordre alphabétique qui est toujours le premier. Alors, vas-y. C'est vrai en plus. De prénom, parce que de nom de famille, François... C'est ça que j'allais dire. Je vous clenche tout. Oh, définitivement. Ben moi, c'est... Dans le fond, c'est la deuxième partie de mon voyage que je vais vous parler, cette fois-ci en Gaspésie. Ah, on étire la sauce! Hey, tout à fait! Non, c'est pas mais vrai, c'est pas oui, vrai. Oui, c'est vrai. Je te taquine. Il y en avait assez pour en parler pour assez longtemps, fait que ça valait la peine de le faire. J'ai passé une dizaine de jours en Gaspésie, fait que j'ai utilisé mon 7D énormément. Parfait, c'est ce qu'il faut. Et on a été, pour ceux qui ont été en Gaspésie, on a été très chanceux, parce qu'on a eu une superbe température. Il faisait chaud, disons-le. Chaud pour la Gaspésie, c'est 24-25 degrés. Mais c'est chaud. Oui, oui. Fait que c'était super agréable. Il y a une journée en particulier qu'on a décidé de prendre le bateau pour aller faire le tour du Rocher Percé, aller sur l'île Bonaventure. On a eu un soleil superbe toute la journée, le gros ciel bleu. Fait que j'ai pu prendre des magnifiques photos du Rocher Percé. Puis étonnamment, ma meilleure photo, à mon opinion, du Rocher Percé, on voit pas le trou. Ah, bon. Ben. Parce que justement, c'est intéressant. On voit la ville en arrière. On voit percer un petit peu à l'arrière. On voit le rocher et comment il peut être imposant. Mais malheureusement, c'est comme de devant. Fait que le trou, on le voit pas. J'en ai fait des belles pareilles là, avec le trou, tout ça, mais je sais pas. Pour moi, c'est celle-là que j'ai préférée. Ben, il n'y a aucun problème. Puis en tout cas, c'est ça. J'ai pu en profiter pas mal. Ça a été très, très agréable. Beaucoup de belles photos. On a visité plein de choses. Un petit magasin général, j'ai pu prendre des photos. Plein d'affaires. C'était vraiment plaisant. Puis j'ai traîné deux appareils photo aussi. Fait que... Super. Toi, François, de ton côté? Ben moi, au dernier épisode, on parlait de... En fait, depuis plusieurs épisodes, moi et Christian, on parle de notre caméra 7D, justement, qu'on utilise de moins... Il y a une espèce de petit regain, là. Oui, on l'utilise un peu plus. Définitivement, moi aussi. Ben moi, je l'utilise en tournage, tout simplement. Fait que c'est pas de la photo... Oui, c'est de la photo que j'ai fait récemment, mais de la photo vidéo. L'imagerie. Oui, alors c'est le fun parce que c'est un appareil qui date de quoi, 5-6 ans, comme ça? Je pense que c'est plus que ça, sincèrement. Bon, les gars, il datait de 5-6 ans quand on a commencé le podcast là, en 2012. Non, ben, mais je vais le checker pendant que tu parles. OK, parfait. Ben, raison de plus pour dire que mon appareil, je le loue encore. Ouais, ben, alors, c'est je bien. Fais de l'argent avec. C'est merveilleux. Et je m'en suis servi pour faire, pour ceux qui habitent au Québec, vous connaissez peut-être l'émission Les recettes pompettes. Oui. Je travaille là-dessus cette année maintenant. Ah, sérieux? Alors, je me suis servi de ma 7D pour faire... une partie d'entrevue avec mon appareil qui fait du HD comme on a tous à la maison. Alors, c'était... Une très belle image pour ça, oui, d'ailleurs. Oui, c'était parfait. Oui, est-ce qu'on peut le dire avec qui tu as fait l'entrevue? Absolument. On a fait l'entrevue avec Guillaume Lepage et Stéphane Rousseau aussi. Okay. J'ai fait deux épisodes dans la même semaine. Alors, mais t'as caméra... fait une autre... En tout cas, t'as posté une photo sur Facebook... avec un personnage mythique de... Ah oui, ouais. Oui, non, ça, ça n'a pas rapport. Fait ah, que c'est okay. Non, ça n'avait pas rapport, malheureusement. Ah bon, ben c'est pas grave. J'ai fait un tournage avec le chef Groslot. Alors, ceux qui se rappellent de Rocky Balzarin dans les années 80, ben il y avait un chef qui était très, très, très dégoûtant et populaire, le chef Groslot. Alors, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et voilà. Bon. J'ai ma photo avec le chef Groslot. Chanceux. Puis, soit dit en passant, on avait raison, 2009. Bon. Pour un appareil photo, on s'entend-tu que 2009, là, ça commence à être loin. Mm-hmm. Oui, absolument. Oui. Ben, on peut dire que ça a été un achat rentable. Ben, moi, il l'a encore. Ben oui, toi, oui, encore plus que... Ouais, toi, j'avoue que... Parfait. Ben, de mon côté, moi, c'est mes photos de vacances. Je suis allé dans New Jersey, puis dans la ville de New York, où j'ai passé à peu près 24 heures. On est arrivé en début de soirée, un soir, puis on a passé le reste de la journée le lendemain. Donc, au total, j'ai passé presque 24 heures complètes dans New York. Mais au départ, bon, dans le New Jersey, on est allé à Wildwood, où on était allé l'année dernière avec François et un autre ami. Oui. Et cette année, j'ai pas fait la même erreur. J'ai tout de suite traité mes photos, parce que celles de l'année dernière ne le sont toujours pas. Ah, mais... combien que j'ai d'albums demain? J'ai un voyage en Turquie comme ça. Ah, j'en ai quelques-uns comme ça aussi. Ton voyage en Turquie, on a vu une photo d'un panneau d'arrêt, là, de stop, mais le reste, on ne l'a pas vu. Ben non, j'ai comme 500 photos à trier, à retoucher. Ben non, c'est plate parce que... Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Ouais. Ah, écoute. On n'a même pas d'enfant. On en parlera dans un autre épisode. Non, c'est pas que j'essaye pas. Message. On salue ta conjointe. Mais tout ça pour dire, j'ai fait un tout petit album que j'ai aussi publié sur Flickr, les photos de Wildwood. J'ai mis 17 photos, tout simplement. Mais en fait, j'ai mis les photos où ma conjointe puis mes enfants ne figuraient pas. Et puis, j'étais quand même assez satisfait de mes photos. Avec raison. Je sais pas, on dirait. J'aime bien que... celle de... C'est quoi, t'es la grande roue, genre, que t'as Ah oui, il y en a une que j'ai pris, le pier, le quai, ouais, où il y a tous les manèges, puis c'est j'étais dans la cool. grande roue. Très cool, le résultat. Puis la grande roue s'est arrêtée complètement au sommet, puis là, j'avais le manège qui s'appelle le boomerang, là, qu'il y avait ici à la ronde. Il est encore là, je pense. Oh oui. Ben, ça fait, moi, pas loin de 20 ans que je suis pas allé à la ronde, mais... Il y a le boomerang, puis on voit tous les autres manèges, et on voit aussi Wildwood au loin, puis la photo est très illuminée, très colorée. Ouais. Les néons, les ci, les ça, c'est elle vraiment super beau. Bien sorti, j'ai à peu près pas retouché cette photo-là. Ouais. Elle sortait comme ça. Donc, c'est là qu'on voit la qualité quand même. Ça devait être ton Ah oui, ton mon asset. Ouais, ouais, absolument. C'est clair, c'est là qu'on voit la qualité, par exemple, c'est évident. Oui, mais on dirait que... Je commence vraiment à le connaître, mon appareil, puis à savoir un peu comment les photos vont sortir aussi. Ben là, il serait temps. Là. Ça fait presque 2 ans que je l'ai. Hey, mon Dieu, mais il contrôle son appareil maintenant, c'est bien. Ouais, ouais. Non, mais tu sais, devenir vraiment... Tu sais que ça devienne vraiment comme l'extension de ta pensée. Là, c'est long avant que ça fasse. Mais sérieusement, puis il n'y a aucune ironie là-dedans, en 2 ans, moi, je trouve ça très bien. Ça m'a pris plus de temps que ça pour bien contrôler mon 7D. Mm-hmm. Parce qu'il y a encore des affaires que jusqu'à il n'y a pas ultra longtemps, je savais qu'il faisait, mais je ne l'avais pas réellement utilisé. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi aussi, il y a encore des petits trucs dont je ne me sers pas vraiment, mais c'est ça. Je commence vraiment à... Ou peut-être que c'est ma vision qui a changé, ou je ne sais pas trop, mais comme à New York... Déjà, à New York, j'ai passé une journée, j'ai 34 photos, j'ai le double de photos de ma semaine à Wildwood. Puis j'ai des photos en noir et blanc là-dedans. Il y en a que je trouvais qui sortaient mieux. Des photos de building. Il y en a un que je devrais redresser un petit peu. Là. J'aime moins la perspective. Mais un building où il y a à peu près 25 fenêtres, 30 fenêtres, puis il y a un climatiseur dans chacune des fenêtres, à part une ou deux, je pense. Mais dans chaque fenêtre du building, il y avait un climatiseur. J'ai dit, je dois prendre ce building en photo. Mais hein. Puis, j'ai visité le fameux High Line à New York, qui est un ancien rail de train. Là, métro, c'était le métro. Le métro, pardon. Oui, le métro qui sortait en surface, c'est la un peu comme surélevée, à Paris. Au-dessus des rues. À Chicago, il est encore fonctionnel, il est comme ça, il est au-dessus des rues. Oui, oui, ben on le voit dans le jeu Watch Dogs, d'ailleurs. Ah, OK. Mais c'est... Oui. Mais, puis je trouvais ça super intéressant parce qu'ils ont planté des fleurs, des arbres, ils ont réaménagé un paquet de trucs, puis ça donne une belle vue sur la ville. Et cette journée-là, le ciel était magnifique. Quand tu n'étais pas face au soleil, évidemment. Mais dès que tu étais de l'autre côté, et j'avais pensé à mon filtre polarisant, j'étais très heureux de l'avoir avec moi. Et là, je suis vraiment content de... À peu près toutes mes photos de New York, vous irez voir le petit album, 34 photos. Ça se regarde en 5 minutes. Cool, oui. Puis, ouais. Si je me peux, filtre polarisant... For the win. J'ai fait la même chose, je l'ai amené en Gaspésie. Et quelle bonne décision, vraiment. Si vous n'avez pas de filtre polarisant et que vous faites de la photo de paysage ou de urbaine ou quoi que ce soit, ça vous prend un filtre polarisant. Et soyez pas cheap. Allez-y avec un filtre de qualité quand même, parce que si vous échappez votre appareil, déjà un filtre cheap, là, un filtre de mauvaise qualité, de mauvaise construction, va briser. Alors que sinon, il est fait un genre d'alliage plus solide aussi. Mais il n'y a puis... pas juste ça. Non, je sais, pour l'image elle-même. Oui, là. Parce que moi, j'en avais, au début, ne connaissant pas très bien ça, j'en avais acheté il y a très longtemps de ça sur eBay. Et le résultat était médiocre. Ah, je sais, j'ai des filtres à densité neutre qui sont comme ça. Là, que j'ai payé, je pense, 12 $ pour 4 filtres, plus un étui. Ça fait un petit peu le boulot, mais c'est pas la même chose. Puis moi, je m'en suis payé un pour justement ma 2405. Il faut que je m'en achète un pour mon 85 aussi. Mm-hmm. C'est pas évidemment la même grosseur. Puis j'ai payé quand même. Il est assez dispendieux. Il était 70-80, puis ça peut être beaucoup plus que ça, mais c'est un bon prix. 125-130. Tu vois, t'as payé plus que moi encore. Moi, j'ai eu un deal qui était quand même intéressant. Mm-hmm. Puis c'est incroyable le résultat qu'on peut avoir, les ciels qui deviennent bleus au lieu de blanc. Ou enlever les réflexions dans les vitres d'édifices, les vitres de voitures et même la carrosserie des voitures. Mm-hmm. Mine de rien, là, j'avais pris des photos des voitures Tesla. Puis cette journée-là, il y avait beaucoup de soleil, puis il y avait des réflexions. Puis j'avais mon filtre polarisant avec moi. Puis c'est là que j'ai découvert que ça marchait aussi sur la carrosserie du... Les réflexions. Ben, c'est ça, toutes sortes de réflexions l'eau. Dans l'eau, comme tu dans disais. L'eau, là, ça permet super, de voir au fond de l'eau au lieu de juste voir un reflet. C'est magnifique. Ouais. Alors voilà, si vous n'avez pas de filtre polarisant, c'est un excellent investissement à faire. Puis, je vous invite à écouter, je ne me rappelle pas quel épisode, mais dans les premiers épisodes de notre série qu'on a fait, on a parlé des filtres polarisants, comment les utiliser. On en a parlé à plusieurs reprises. Ouais. Surtout au début, je me rappelle, on avait un épisode qu'on consacrait là-dessus. Bon, juste à regarder sur notre site, vous allez voir, là, c'est dans les premiers épisodes. Peut-être, Stéphane, tu vas le trouver là, pendant que j'en parle. Mais il y a une autre utilité pratique aussi aux filtres polarisants. C'est pas à négliger, ça coupe la lumière aussi. Un stop facilement. Un stop, des fois, ça peut être pratique dans une journée super brillante, une journée avec de la neige en plein hiver. Surtout avec, mettons, comme mon objectif, mon 85 mm à 1.8, quand il fait soleil, je peux pas l'utiliser. C'est pour ça qu'il faut que j'aille me chercher un filtre polarisant. Puis même, je verrais un filtre neutre même, ce serait encore mieux. C'est ça. Les deux seraient l'idéal. Tu peux combiner les deux. Donc, tu as l'effet du polarisant en plus de réduire ta lumière qui entre. Si vous cherchez polarisant sur le site, tout simplement, vous allez trouver, il y a à peu près 5 résultats. On en parle à l'épisode 5, à l'épisode 8, à l'épisode 20. Bon, 41. Voilà. Puis j'ai même écrit un article sur l'effet du filtre polarisant. Finalement, tu es en train de dire qu'on radote souvent. Oui, mais... C'est pour les bonnes raisons. Okay. On vient de dire à quel point c'est important un filtre polarisant. Oui, oui. Alors voilà. Petit bloc nouvelle, Christian, parlant d'objectifs à grande ouverture. Oui. Dernier épisode, je parlais du Sigma 18-35 à 1.8, mais cet objectif a un léger défaut. Il n'est que pour les capteurs rognés. Il ne fonctionne pas avec plein capteur. Okay. Sigma a décidé de régler ce problème. Ils vont sortir un zoom 24-35 pour plein capteur à f2 fixe. Oh. Ça commence à être intéressant, ça, avec là. Mm-hmm. Puis c'est, encore une fois, je me fais un petit bémol sur moi. Pas un bémol, je rétracte une chose que j'ai dit la semaine passée, au dernier épisode plutôt. Ce n'était pas, tu avais raison, de la série Art, l'objectif, mais il est pas loin. Là. On s'entend là, que c'est pas une grosse différence. Attends, celui-là, par contre, l'est. Mais le 18-35 que j'ai travaillé avec à F1.8, c'était une Art. Ben, pas d'après cet article-là. Pas spécifique, les seuls Art, c'est 24-35-50 puis la 24-105. C'est faux, mais j'ai lu dans les mains. Allez, go. Bref, je te dis, selon l'article qui est là, ça dit « also include ». Donc, il y a peut-être d'autres modèles, mais il n'en parle pas. Bref, Sigma fait un peu ce que Sony fait avec les appareils photo. Sigma décide d'aller attaquer le marché Canon et Nikon pour les objectifs parce que la qualité de la série Art, elle est vraiment bonne. Je suis encore qualité. En amour avec celle que j'avais testée, là, qui était la 35, je pense. 35, j'en rêve tellement qu'elle était écœurante, cet objectif-là. Ouais. Ça, là... Tu vois, je parlais de la 18-35, ben ça pourrait me faire parce qu'elle est 999 $ américains, entendons-nous. 1300 canadiens à peu près. Mais malgré tout, c'est un prix très raisonnable pour un objectif comme ça. Là. Oui. Ah, si on mettait le nom Canon ou on mettait le nom Sony là-dessus, ça serait 500 à 1000 $ de plus facilement. Oh, là. Oui. Puis on l'a dit, c'est des objectifs qui sont très bien conçus, une optique impeccable. En tout cas, je suis très intéressant. Moi, j'ai un ami qui est en train de changer son parc d'objectifs. Il y en a plusieurs pour la série Sigma, pour les nouveaux objectifs que Sigma fait. Mm-hmm. J'ai même pas de misère à les croire. Il est en amour avec, puis il s'y connaît, là, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Fait que tu vois, lui, il s'est dit, bon, moi, c'est là que je m'en vais, c'est là que ça va se passer dans les prochaines années. On va dire quelque chose de bien, bien, bien, bien superficiel, là. Mais Canon, Nikon, là, prenez des notes, parce que ces objectifs-là sont foutrement plus beaux que les vôtres aussi. On s'entend, là, que c'est superficiel à l'os. Je suis le premier à le dire. Mais sincèrement... Ils ont de la classe. Ils ont de la classe. Ouais, là. Ouais, ouais. Ça a l'air solide. Là. Mm-hmm. Je me rappelle avoir manipulé des vieux objectifs Sigma, puis vraiment pas la même chose. C'est ça, c'était plastique au maximum, Sigma. Ouais. Là, il s'améliore dans la construction, mm-hmm. tant mieux. Tout le monde va gagner pour ça. Parfait. C'est ça. L'important, c'est quand le consommateur, il gagne aussi. Exact. François, de ton côté... Ben, au dernier épisode, Christian nous annonçait qu'il y avait un appareil, un nouveau chez Canon, à 250 millions de pixels. Ben, ils ont aussi un appareil vidéo à un ISO de 4 millions. Juste ça. Il existe, c'est là. C'est comme décevant. C'est pas un prototype. OK. Oh. Il existe. Okay? Je pense que j'ai vu une vidéo de ça. Ça me dit quelque chose. Écoute, c'est un petit cube. Okay? Ah oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, oui. Oui, bon. La forme de l'appareil, c'est 4 pouces par 4 pouces par 4 pouces à peu près. Okay? Juste assez grand pour avoir la baïonnette pour avoir un objectif EF. Donc, OK, c'est une caméra vidéo, puis on ouvre le marché à ceux qui veulent filmer dans le noir carrément, à 4 millions d'ISO. Ah oui. Ah ouais. Il n'y a plus de limitation là, maintenant. Là, c'est complètement fou. Il y a des scènes dans la vidéo de démonstration. Ils ont filmé des mouches à feu, des lucioles, ouais. OK, dans le noir total. Puis tu vois très bien. Et la sensibilité de ce capteur-là permet de voir la couleur, évidemment. Là on n'est plus dans l'infrarouge. Là, mm-hmm. Parce que la première chose qu'on pense, souvent, caméra dans le noir, c'est l'infrarouge. J'ai presque fait cette erreur-là. J'ai presque dit ça tantôt. On tombe dans l'infrarouge, mais non, c'est pas du tout ça. Non, les couleurs sont rendues. On tombe dans la vision nocturne. Oui, oui, c'est vraiment. Ce que nos bâtonnets ne sont pas capables de voir, c'est la caméra peut le voir. Donc, c'est ça. Monture EF, donc n'importe qui peut avoir accès à ça. Évidemment, c'est une caméra qui ne va pas être donnée. 30 000 $ américains, OK? Sauf que c'est une niche pour plusieurs productions télé ou cinématographiques que moi, je connais, mm-hmm. qui pourraient être intéressées. Moi, je pourrais être intéressé à dire, OK, j'ai envie de louer cette caméra-là. À 30 000 $ ça va coûter quelque chose peut-être comme vite 500 $ par jour en location. C'est pas beaucoup, c'est pas si mal, pour les images que ça va donner. Ben, c'est ça. Ouais. Je veux dire, dépendant de qu'est-ce que tu peux faire avec, ça peut valoir amplement le coût. Là. Oui, 24 images, 30 images, 60 images par seconde. Donc, on peut aller chercher un petit peu du ralenti en plus avec ça. Mm-hmm. Un petit bémol, c'est 4 par 4 par 4. Il n'y a pas d'enregistrement interne dans cet appareil-là. Il faut avoir un enregistreur externe. Oh, OK. Ça donne la possibilité d'avoir une vidéo pas compressée à ce moment-là, mais il faut quand même avoir un enregistreur externe. Mm-hmm. N'empêche que sa petitesse nous permet de la placer à des endroits assez exigus. T'sais. Fait que ce que la GoPro peut faire pour la télé puis le cinéma, elle va pouvoir le faire pour la vision nocturne. C'est un peu plus gros qu'une GoPro, juste pour dire que on va pouvoir l'amener à des endroits où aucune caméra pouvait faire avant. Si tu penses que si ton objectif, dans le fond, devient, je veux pas dire secondaire, mais tu sais, exemple, parce que je voyais que récemment, j'ai vu un article intéressant qui parlait de la nouvelle 50 mm de Canon, la 1.8, qui ont beaucoup amélioré l'optique. Mm-hmm. Elle est beaucoup mieux qu'elle était auparavant. Fait que tu sais, tu t'imagines, tu mets ça sur ce petit cube-là, puis ton appareil photo, ta caméra est minuscule, là. Mm-hmm. Ça prend zéro place, là. Ouais. On t'est quasiment rendu à une grosseur de GoPro, là, avec une affaire de même, là, ou même les pancakes, là, dans les 40 mm ou quelque chose comme ça. Les possibilités sont incroyables. Oui, oui, oui. Ah non, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Puis, un peu comme Panasonic, le nom du modèle, c'est tout à fait sexy. C'est une ME20H-SH. Excusez-moi, ME20F-SH. Okay. On n'est pas tellement habitué à ça chez Canon. Non. Donc, je ne sais pas si les nouveaux produits s'en vont ils là-dedans. Savent qu'ils n'en vendront pas, fait que c'est pas trop grave d'avoir un nom lettre. Non, moi, je pense qu'ils vont en vendre pas mal, mais pas du côté consommateur. C'est ça, j'allais dire, c'est ça. Ouais. Alors voilà, c'est la nouvelle de la semaine. Super. Mais c'est quand même impressionnant qu'il arrive à le faire. Moi, je veux travailler avec. Je veux travailler avec. Allez voir la vidéo. Là. Ouais, c'est hallucinant. Là. Ah, j'en doute pas. C'est... Vous vous rappelez de la vidéo de la A7 quand elle est sortie? La A7S. Ouais. La A7S, oui. Qui pour... était déjà hallucinant. Là. Mm-hmm. Oui, ben, mais ça, c'est... C'est rien. Il n'y a rien. La lune n'éclaire pas, là. C'est dans le noir total. Puis on voit, dès qu'il y a une moyenne source de lumière, c'est assez pour éclairer la scène. C'est fou. Là. C'est fou. C'est une vision d'elfe. Il montre un bâton dansant qui éclaire carrément le visage de la personne qui le tient. Tu sais, c'est... OK. C'est, le lançant, c'est pas une flamme, là. Non, non. C'est une petite lueur de rien, mm-hmm. là. Puis ça éclaire super bien la personne qui le tient, c'est fou. Là. Ouais. C'est noir total sinon. Là. Avec n'importe quelle autre caméra, y compris une A7S, c'est noir total ou presque. Mm-hmm. Pas avec ça. Puis même le bruit, je pense, est assez hallucinant. Il est pas. Mais là, t'es pas obligé d'aller à 4 millions d'ISO. Non, tu c'est peux aller plus bas. Là... Puis quand même. Tu vas à 400 000. Là, correct, tu vas à 400 000, ouais, qui ça. Est le maximum de la A7S. C'est puis ça. Là, t'as une image sans bruit. Voilà, c'est capotant. C'est ça. Le 4 millions est impressionnant, mais c'est pas là que tu vas aller. Non, tu non. vas commencer à avoir du bruit, j'imagine. C'est j'ai ça. Pas vu. Là. Oh, il y a des bonnes chances. Il y a de très bonnes chances. Ah. Mais déjà, si tu réussis à monter à 400 000, puis il y a à peu près pas de bruit, ouais. on s'entend qu'on est loin des appareils ouais. Actuellement sur le marché. Oui. Bon, parfait. Et moi, j'ai une nouvelle un peu choc. Le 8 septembre dernier, le tabloïd allemand Bild paraissait exceptionnellement sans photo. Ah! C'est-tu lui que les photographes ont fait la grève parce que ils voulaient les envoyer à sous-traitance? Non, ben c'est arrivé à Chicago, là. Ils ont... ouais. Mais non, ça, c'est parce que dans l'édition du 3 septembre, il y avait eu beaucoup de... Il y avait eu un tollé par rapport à l'image là, du petit Aylan Kurdi qui s'est ouais. échoué sur la plage en mm-hmm. Turquie. Et là, ben, il voulait répondre aux critiques qui accusaient le tabloïd de voyeurisme. Parce qu'il est quand même tiré à 12 millions d'exemplaires, ce petit journal. Et c'est un peu plus que les journaux ici, la presse vaguement, ou le journal oui. de Montréal. Mais c'est ça. Donc là, ils veulent montrer que... OK, si vous voulez une édition où il n'y a pas de photos, ben voici. Alors lisez. Puis voyez à quel point ça devient important, les photos dans les nouvelles wow. et compagnie. Et, intéressant. Oui, c'est ça. Puis là, ben, ce qu'il expliquait dans cette édition-là, il disait « Les photos peuvent faire éclater au grand jour ce que les puissants veulent taire. » C'est vrai. Oui, ouais. absolument. Mm. Puis là, ben, c'est ça. Ils veulent... ils savent que bon, il y avait eu des contestations et compagnie, mais ils voulaient prouver que ça avait sa place et qu'ils allaient choisir, tu sais, se battre chaque jour là, pour choisir les ouais, meilleures photos mais, et tout ça. On, mais... on va revenir à cette photo-là de ce petit-là qui a fait le tour, qui était horrible, oui. tout ça. Mais moi, ce qui m'a attristé le plus, c'est le fait que pas plus que 3-4 jours avant, j'en avais vu plein mm-hmm. de photos d'enfants comme ça, mais il n'y avait pas 3 ans. Ouais. Il était plus vieux, il avait 6, 5, 4 ans, quelque chose dans ce style-là. Okay. Fait qu'eux autres, c'était pas important. Là, le petit 3 ans, ça, c'était ouais. c'était plus choc. C'est vrai, on s'en cachera pas pareil. Parce que, saviez-vous, puis j'ai fait découvrir ça à ma blonde, il y avait un frère aussi qui s'est noyé de 5 ans. N'avez-vous imagine. Entendu parler? Non. Savez-vous tout. Son nom? Non. C'est ça. C'est cette image-là qu'il a fait. C'est « Et elle fesse ». On ouais, s'en cachera pas personne. Absolument. Puis on va... Tu sais, là, j'ai vu un article intéressant aussi par rapport à ça qui montrait les photos, tu sais, comme la jeune fille au Vietnam qui avait été brûlée par ouais. Le napalm, ouais. tout ça. Puis cette photo-là, dans 20, 30, 40 ans, on risque de la revoir. Mm-hmm. Parce que ça l'a fessé l'imaginaire incroyablement, là. Mais, tu sais, c'est vrai que ça dit pas tout non plus, cette histoire-là. Tu sais, c'est... Ouais. Ben, tu sais, en plus, ça a lancé tout un débat parce que il y avait les tenants de est-ce qu'on devrait montrer ça, est-ce qu'on devrait pas montrer ça. Ouais. Quand tu es sur les réseaux sociaux, moi, je l'ai vu 20 fois, 30 fois, sans moi, le vouloir. Je ne l'ai pas partagé justement parce non, que. Non, ben ça, c'est pas nécessaire. Surtout sur les réseaux sociaux, il y en ouais. a assez que tu n'es pas obligé de le faire. Ça, c'est un fait. C'est sûr que tu vas tomber dessus, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles pas. Ça me fait penser à le fameux ex-journaliste qui est allé tirer. Son ex-collègue, ouais, ses deux ex-collègues aux États-Unis qui font une petite entrevue le matin dans un petit un petit endroit super reclus. En fait, une petite ville, bien tranquille. C'est chaud du matin. Il est 5, 6, 7 heures le matin, je sais pas trop. Puis lui, il décide qu'il filme ça. Mm-hmm. Il abat ses deux ex-collègues. Ça a été repris puis repris sur les médias sociaux, mais il y a plusieurs postes de télé qui ont décidé que, OK, nous, on ne montre pas ça. Ouais. Notamment Radio-Canada, ils ont décidé, non, nous, on ne fait pas ça. TVA a décidé de le faire. Ça aussi, ça a lancé tout un débat. Ouais. À quel point qu'on a besoin de voir ces genres de trucs-là? Bon, ça, c'est vraiment la mort en direct. Fait que c'est bien pire que le petit garçon. Ça, t'as pas besoin de voir ça pour comprendre le drame qui s'est passé. En effet. Mais il y en avait quand même qui disaient que, c'est ça qui s'est passé, c'est du journalisme, il faut le voir. C'est que ça dépend de la façon que c'est présenté. Si tu fais juste présenter les images telles quelles, sans mise en contexte, sans rien... sans mise en garde, juste pour dire que tu as les images, puis regardez, nous, on a... Ça, j'ai de la misère avec ça. Non, ça passe pas. Je suis d'accord. Mais dans un but d'informer ou dans un but de... Je sais pas, il y a une façon de présenter ce genre d'image. Je pense que oui, moi aussi. Mais si c'est juste vraiment pour dire... regardez, nous, on les a, les images, venez les voir chez nous. Mais tu dis ça, puis en même temps, je veux dire, j'ai vu tellement de photos de Syrie horrible passer sur des fils Twitter ou sur Facebook, des choses là, que je ne décrirai pas parce que c'est des choses les plus atroces que vous pouvez vous imaginer. J'en ai vu passer, moi. Puis, on les a-tu vus vraiment gros public? Non, mais ça devrait aussi se promener parce que, tu sais, c'est... Il y a des horreurs. On a découvert les horreurs avec ce petit garçon-là, mais il y en a depuis très longtemps. Là. Ouais. Fait que, je pense que c'est important, jusqu'à un certain point, qu'on les voit, ces images-là. Il ne faut pas se censurer complètement. Non, absolument. Mais il y a une façon de les présenter. Et voilà, ça, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas non plus... Là où ce que j'ai de la misère, c'est quand tu présentes cette image-là à tous les 30 secondes, tout le temps, puis tu vois que ça, j'ai de la misère. Puis qu'après, tu te caches derrière, les gens veulent voir. Non, je m'excuse, c'est pas une bonne raison. Il faut dire que j'ai un peu de misère avec la télévision 24 heures sur 24 de nouvelles qui doit toujours... trouver et faire des nouvelles. Ouais. Mais ça, c'est une histoire. C'est ça. Ouais. Enfin. Bref, c'est des questions éthiques qui sont pas faciles, je trouve. Enfin, c'est sûr que, tu sais, oui, une photo peut être très graphique, très horrible, là, mais il me semble que c'est peut-être un peu... Comment je pourrais dire? C'est mon avis personnel, je pense qu'il y a une meilleure façon de présenter une photo pour présenter une situation versus une vidéo... Ou justement, comme la tuerie qui va être plus graphique parce que tu vois la personne commettre l'acte, alors que tu pourrais présenter une photo différemment où il n'y a pas nécessairement. Je sais pas. Mais on va se le dire sincèrement parce que je l'ai vu, le fameux vidéo en question de la tuerie. Moi, je ne l'ai pas regardé. Moi, je l'ai vu. Tu vois pas grand chose. Non, c'est ça. Tu vois pas grand chose. Tu vois la personne qui tire, tu vois la personne qui tombe, mais c'est pas. C'est pas clair. C'est pas comme là. Dans un film. Là, non, c'est ben ça, parce là. Que. Non, mais attends, il y a deux vidéos. Là. Non, j'ai vu le deuxième. On le voit, là, mais c'est pas. Personne... Toi, moi, j'ai décidé de pas cliquer dessus. Ouais, moi aussi, même chose. Moi, malheureusement, je dois être honnête. Moi non plus, mais des fois, il m'arrive que j'ai bulle d'air qui me passe par l'esprit. Puis non, mais j'avais c'est une fascination. Là. Non, mais je te juge pas pour ça. Mais c'est moi, je pourrais pas. Je sais pour l'avoir fait dans le passé. Je me rappelle, au tout début d'Internet, il y avait un site, je me rappelle pas c'est quoi. Tu t'es fait Rick Rowley. Ouais, c'est venu après ça. Mais c'était bien avant. Là. On parle de 1996 ou je sais pas trop quoi. Là. On est au tout début. Là. Ben, ça doit pas être si vieux que ça parce qu'il y avait pas de vidéo sur Internet en 96. Sur les début sites que 2000, François visitait, il y en avait. Ouais, peut-être. Là, ça, je sais pas. Disons, juste début avant 2000. C'était peut-être, je me trompe peut-être d'année, mais... Enfin, il y a au moins 15 ans. Oui, il y avait site de vidéos puis de photos vraiment hardcore, trash, tout ça. Puis il y avait un soldat que, tu vois, il y a un pied d'un autre soldat. Il y a un gros plan sur son visage, OK? Puis sur son torse, il y a le pied du soldat qui le filme. Évidemment, tu vois pas le soldat qui filme, tu vois juste le gros plan du visage, puis... Ben, il y a un couteau sur la gorge, puis je vous laisse deviner le reste. C'est en gros plan, puis c'est pas fake, là. Non. Fait que cette vidéo-là, je l'ai encore frais dans ma mémoire, là. C'est comme l'affaire de Magnota, là. Moi, c'était clair que j'écoutais pas ça, ne veux rien savoir, là. Fait que depuis cette vidéo-là, j'ai fait le choix de plus cliquer sur rien pour pourtant, je suis pas fait faible. Non, moi non plus. Mais, non plus, mais c'est des images qui, qui s'enregistrent, là. Mm-hmm. Vraiment, là, tu sais, intensément. Là, Bon. Enfin. Alors voilà. Ça on réglera pas ça ce soir. Non, c'est ça. C'était le bloc nouvelle, actualité et compagnie. Ouais. C'est à mon tour de faire le topo cette semaine. Vous êtes quoi de plus réjouissant, je suis sûr. Oui, oui. C'est très réjouissant pour vrai. Je vous fais une petite critique rapide du Bebop. Le drone de Parrot, Parrot, compagnie française, donc bien des auditeurs connaissent. Oui, et comme le nom l'indique, c'est une compagnie française. Oui. Alors, la compagnie Perroquet nous présente le Bebop. Le Bebop. Le Bebop, d'ailleurs, qui était une danse. Oui, oui. Passons. Rappelle-nous l'historique du Bebop, Stéphane. Oui. Ce sera pour fais-nous une petite vidéo qu'on puisse te filmer. Dans mon prochain topo. Non, mais c'est ça. On parle beaucoup de drones depuis un an, je dirais. Ah oui, ouais, plus. Un peu plus que ça. Oui, non, mais je parle ici au podcast. Ah oui, oui. Ça à peu près un an ou un peu plus. Oui. On n'était pas nécessairement les précurseurs, là, mais... Non, pas du tout. C'est la mode. Oui. Il y a de plus en plus de drones. Et puis Parrot, ben avouons-le, il lance des petits drones, ben des plus gros aussi, là, mais il lance des petits appareils accessibles, puis intéressants, puis tu sais... Des jouets. Des jouets. Oui. Oui, il y en a des plus sérieux, mais il lance beaucoup de jouets et ben c'est intéressant. En tout cas, moi, celui que j'ai essayé, le Bebop, je l'ai bien aimé. C'est un petit appareil qui pèse environ 400 grammes, donc un petit peu moins qu'une livre, là, pour ceux qui calculent encore dans l'ancien système. Mmh. Et puis... il est quand même assez robuste. D'ailleurs, mon balcon peut en témoigner. Ah oui, j'ai vu la photo. Vous vous en souvenez? Uh-huh. Il s'est fait scalper un petit peu la peinture. Mais c'est ça, les hélices sont quand même assez... en plastique, mais renforcées. Il est léger, mais il est quand même robuste. Puis, ça va vite, ce bidule-là. Mm. Et ça vole à plus que... Ben, je me souviens pas, là, mais c'est au minimum 1 mètre à la seconde. Là, puis quand tu es dans une cour arrière, là, quand tu n'es pas dans un parc, c'est passé vite. Ça passe vite. Hein? Ma cour fait à peu près 11 mètres de large puis à peu près 11-12 mètres de profond. Et j'avais pas beaucoup de place, je vais vous dire. Non. Alors, un parc est conseillé si vous voulez vous amuser avec un drone. Mais celui-là, ce qui le rend intéressant, c'est qu'il y a quand même la qualité. Il y a un appareil photo de 14 mégapixels et il tourne la vidéo 1080p à 30 images secondes. Intéressant. Donc, des fois, il y a des auditeurs qui cherchaient des drones pour embarquer un appareil et tout ça. On en avait parlé il y a quelques épisodes. Mm-hmm. Ben, le Bebop, lui, il a déjà son appareil embarqué. Son seul défaut, c'est qu'il y a seulement 8 gigs de mémoire vive. Alors, donc, vous tournez... photos. Non, trois blague, vidéos, mettons. Parce que ça va vite. En vidéo, 1080p, ça doit descendre vite. Oui. Alors, vous prenez vos photos, vos vidéos, puis là, ben vous transférez vos trucs. Vous venez brancher votre Bebop dans votre ordinateur avant de repartir parce que la mémoire se remplit assez vite. Il y a une pile, une batterie, en fait, de 1200 mAh qui donne une autonomie d'environ 20 minutes. C'est dans la moyenne des drones jouets, je vous dirais. Il y en a même qui durent 8 à 10 minutes. Moi, j'ai fait un article, puis 8-10, c'était la moyenne en général. Donc, 20 minutes, c'est quand même bon. Là, on a le temps de s'amuser. Puis, à la limite, la batterie est interchangeable. Donc, on peut apporter une batterie. Moi, en tout cas, celui que j'ai eu, il y avait une batterie de rechange. Je ne sais pas si c'est vendu avec. Là, je ne me souviens pas. Ça doit pas. Mais si vous avez une deuxième batterie, c'est l'idéal parce que ça vous permet de vous amuser presque une heure de temps. On s'entend que ça te prend ça. Oui, c'est clair. Le temps de sortir, d'aller se promener, surtout comme tu te dis, tu ne peux pas faire ça dans ta cour. Fait que tu n'as pas le choix de sortir. Puis les premières fois... Tu apprivoises l'appareil, la mécanique, l'interface sur ton téléphone ou sur ta tablette. Puis là, ta batterie est morte. Puis là, ta batterie est morte, puis t'as craché à peu près 4 ou 5 fois, puis t'as plus de batterie. C'est pour ça qu'une batterie de rechange est recommandée. Soit dit en passant, pour t'aider, parce que je l'avais pas vu de quoi qu'il y avait là, je suis allé le voir sur le site. Et comme de fait, les deux piles sont incluses. Ah bon, tu vois. Merci. J'avais pas fait ma recherche de ce côté-là, c'est un détail parce qu'une batterie, ça se vend pas aussi cher. Non, Mais c'est ça. Moi, j'ai aimé la mise en marche. C'est simple. Une fois qu'on allume le drone, ça prend 20 à 30 secondes pour que son petit réseau Wi-Fi qu'il crée, là, son espèce de hotspot, ouais, apparaît dans la liste, on le jumelle, on passe dans l'application, puis ça se fait en quelques clics. Puis après ça, ben, on le contrôle directement à partir de l'interface de l'application. Et c'est super intéressant parce qu'on a une espèce de manette là, où on peut lui faire pivoter, monter, descendre. Puis on a une autre manette où là, on va le faire vraiment se promener d'avant, arrière et compagnie. Puis on peut lui faire faire quelques figures, ce qui n'est pas recommandé dans une cour arrière, je le répète. J'ai eu peur. A-t-il découvert à son... Non, j'ai eu peur pour moi. Oh! Mais ouais, non, sinon, moi, tu sais, il y a quand même des clôtures, puis il y a une haie de cèdre qui aurait pu absorber, là, mais c'est pas arrivé. Mais moi, je voulais pas recevoir le drone en pleine... Ouais, puis il s'en allait vers toi, là, oui, je comprends. Ah oui, oui, c'est ça. comme la beau vidéo, je sais pas si vous l'avez vu. Le... Les mariés. Ah, oui, oh, non, ça c'est mourant. Non, j'ai pas fait un marié de moi. Mais... Bon. Mais non, mais attends, on va le décrire pour ceux qui savent pas, là. Mm-hmm. Oui. Faudrait qu'on trouve le lien. Oh, ça doit être facilement trouvable, ouais, mais c'est juste que ouais, y a un photographe qui a voulu faire une belle prise, c'est vrai, c'est intéressant. Il a voulu prendre un drone puis s'approcher des mariés, mais il a pas très bien contrôlé son chose et ça rentre directement dans le marié, ouais, je oui, crois. Ça assomme puis... le marié. Ah ouais, clairement, là, il se fait ramasser. Là. Ouais, il s'embrasse, fait que là, il voit pas là, le drone s'en venir. C'est ça. Ils font confiance au photographe, ouais, évidemment, mais écoute, le drone, il ramasse le gars dans la face. Il roule vite, le drone, il te... Oh. De toute beauté. C'est drôle pour ouais, nous autres, pas pour eux autres. Non, c'est ça. Et ben, c'est ça, moi, je trouvais ça intéressant parce que comme il y a déjà l'appareil photo, la caméra d'embarquer, ben si le drone vous fait face, ben vous voyez aussi dans l'interface. C'est quand même intéressant. Je me suis amusé à me prendre en photo pour les besoins de l'article. Là. Mais non, ça fonctionne quand même bien. Ça prend quelques... Puis ça, c'est pas à cause du... C'est pas relié au fait du bebop ou quoi que ce soit, là, mais ça prend quand même quelques essais avant de bien maîtriser son drone. Clair, parce que si jamais il y en a parmi vous qui êtes intéressé à vous procurer un drone et à dire « ben ouais, je vais aller filmer un mariage, un événement, etc. », pratiquez-vous quelques fois avant, quelques beaucoup heures beaucoup de fois avant, même, je dirais. Pour pas faire comme le fameux photographe au mariage. Ah non, c'est pas facile. On a l'impression que c'est facile. Ce qui est facile, c'est la stabilité, parce qu'il y a ouais, le gyroscope, tout ça. Mais se déplacer X, Y, Z dans l'espace, il faut se rappeler où le devant du drone est. Oui. Parce que quand tu dis « OK, va vers l'avant », ben si tu l'as fait tourner... Ouais, et ça, c'est l'avantage pour ceux qui jouent à des jeux vidéo. On réussit à contrôler le drone plus facilement parce qu'on est habitué de faire ce ouais, lien-là. Ouais. Où est le devant de l'appareil, on ouais, le contrôle comme ça. Les gens qui jouent à des jeux que ce soit de course ou d'aviation, peu importe. OK, je dois être excellent bon, d'abord. Oui, ben t'aurais pas de problème. ce qui est intéressant... On crée son profil aussi dans l'application, puis ça nous donne des statistiques, des minutes de vol, des trucs comme ça. C'est cool. Puis on voit sur la carte, une carte géographique, les statistiques de d'autres utilisateurs et tout ça. Donc on peut voir aussi peut-être des photos qu'ils ont partagées, le nombre d'écrasements, la durée des vols. Oui, le nombre d'écrasements. Cool, oui. Comme par exemple, ton smartphone vient de resetter pendant que ton drone est dans les airs, il va cracher. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé intéressant justement dans l'application, c'est qu'il y avait une fonction d'atterrissage d'urgence. Oui. S'il perd le signal... Ben non, en fait, c'est que si toi, tu perds le contrôle, okay, t'appuies là-dessus. Ah, OK. Et ça fait atterrir le drone immédiatement. OK. Par contre, s'il se trouve haut ou au-dessus, je sais pas moi, d'asphalte, de la rue, là, de la chaussée, là, ça risque d'être assez dangereux brutal, de faire ça. Assez brutal comme atterrissage, merci. Mais sinon, si vous êtes au-dessus de la pelouse, ça va quand même assez bien. Si vous êtes 1 mètre, 2 mètres de hauteur, ça va, mais ça peut monter comme à 10 mètres, là, un drone comme ça. Mais là, c'est ça, j'étais curieux, parce que si c'est par Wi-Fi que tu contrôles, c'est quand même un peu limité, j'imagine. Donc, ouais, ben quand une fois qu'il est comme à 10 mètres et plus dans les airs, c'est assez haut, là. Mais, ouais, non, oui, je sais pas. Tu peux limiter à même l'application l'altitude à laquelle il va voler. Puis, sinon, ben c'est ça, il donne un maximum de toute façon parce qu'il détecte ton signal. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Ah mais, oui, OK. Selon ton signal, il va déterminer... Ouais, ben à un moment donné, il va dire « Oups, le signal est plus assez bon. » OK. Fait que tu pourras pas le monter plus haut parce qu'à un moment donné, tu pourras plus le contrôler. Ouais. Tu sais, fait que, ouais. C'est ça. C'est ou pas dans la fenêtre, j'ai un voisin. Ah, ouais. Ah oui. Ah, je peux m'imaginer, ah, oui. Ouais. Et bon, sinon, ben, c'est ça. C'est un bel appareil que j'ai bien apprécié utiliser. Bon, je m'en suis pas procuré un parce que je sais pas. C'est pas donné. Je me souviens pas par cœur, malheureusement. Mais c'était quand même... C'est ce que j'aime de Parrot, c'est que c'est ça. Ils font des appareils de type jouet, mais avec le prix qui va avec. C'est pas un drone à 1000$, là. C'est un drone avec un prix accessible, un prix abordable. Mm-hmm. Puis on peut s'amuser avec. La caméra, c'est la qualité des photos. Qu'est-ce que tu en dirais? Ben, c'est bien parce que tu es à l'extérieur en pleine lumière. Là, ouais. Mais je veux dire, le capteur, on s'entend que ça doit être l'équivalent d'un capteur de smartphone. Ouais. Mais ça te donne quoi? J'ai dit 12 mégapixels, quelque chose comme ça? Mm-hmm. 14 mégapixels. Alors, on s'entend que ça donne des photos quand même de qualité d'un téléphone, mais prise dehors, ça va bien. La vidéo 1080p est très bonne. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est ça. Le prix, ben c'est ça, on m'informe à l'instant qu'on parle de 499$. C'est ça, là, parce que là, je me demandais, parce que je le regardais sur Internet, je me suis dit, peut-être j'ai pas le bon, là. Moi, je voyais 400, je me suis dit, peut-être qu'il y en a un modèle plus petit. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi cher. Non, mais c'est pour les avoir, comme je te dis, j'ai fait un article pour Best Buy il y a pas très longtemps, puis à 200, là, c'est pas mal moins hot que ben ça. Ouais, à 200, t'as les petits là, qu'il y avait eu l'année dernière. Ouais, là. Les Sumo, je pense qu'ils appellent. Ouais, Sumo, celui qui saute, puis il y avait le Spider. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ceux-là, ouais, c'est vrai, c'est mais plus dans les c'est 200. Mais c'est pas déraisonnable. 500, c'est quand même, quand tu considères qu'un gros, là, c'est 1500, 2000, ouais. 500, pour tout ce qu'il arrive à faire, c'est pas non, si mal. C'est ça, c'est quand même bien, là, pour considérant la catégorie, là. Bon, c'est un petit peu plus cher que ce à quoi je m'attendais, mais... Mais tu sais, quand tu penses que le nouveau qui vient de sortir pour... avez-vous vu le petit drone... Faucon Millennium qui vient de sortir. Oui, ben oui, c'est moi qui l'ai publié sur Facebook. Non, parle-moi pas là-dessus. Oh man, que je le veux, mais ben il est quoi? Il est quoi, 120, 130? Ouais, il est minuscule, il est tout petit, pas gros. Il fait là. Pas grand-chose. Non, non. Puis mais... là, après, ben, ça te prend au moins 4 ou 5 TIE Fighters pour aller ouais, avec c'est ça. C'est clair. Pour t'amuser vraiment. François qui hoche la tête. Non, mais Star Wars, c'est une compagnie de jouets, là. On va le dire, là. Ben, ils font des films pour vendre des jouets. On n'a jamais nié ça. Hein? C'est comme ça depuis le début. Ouais. Ça a toujours été ça. Il était temps que tu... C'est depuis 77 que c'est ça. T'as là, jamais joué aux figurines de Star Wars, toi? Oui. Bon. Oui, j'en ai eu. Alors, malheureusement, je les ai pas encore parce qu'ils vaudraient cher. Je pense moi, je les ai. Bon, s'ils sont emballés, moi, j'ai les originales. J'avais les originales. Oui, oui. Ouais. Je les ai encore, mais ils sont pas emballés. Ah, OK. S'ils sont emballés, ça... OK, mais... Moi, ben, ils ont quand même une certaine valeur. Oui, il y a quand même une certaine valeur, dépendant de qu'est-ce que tu as. OK. Mais moi, l'ironie, c'est que je suis le plus gros fan de Star Wars, peut-être que vous connaissez, puis je détestais les personnages de Star Wars. Ah oui? Ah oui, ils bougeaient mal comparé à les G.I. Joe. Oui, les G.I. Joe, c'était... Mais ça, c'est une autre mais histoire. Mais c'est une autre histoire. Ce sera pour notre podcast de collectionneurs. Oui, quel bon... Non. Ben voilà, ceci met fin à mon topo. Fait que j'imagine que tu l'as aimé. Oui, j'ai bien aimé, mais c'est ça, j'ai pas assez de temps, disons, pour m'en procurer un, et comme j'ai deux enfants, c'est pas un drone à 500$ que je m'achèterais, parce qu'ils risqueraient de vouloir me l'emprunter, et il durerait pas super longtemps non plus. Mais les petits Spider ou Sumo dont on parlait, le Parrot aussi, ça serait un excellent choix, parce que c'est vraiment plus... C'est solide aussi, c'est deux affaires qui ont de l'allure. Ouais. Puis ça peut aller assez haut aussi. Je pense qu'ils vont aussi à 10 mètres, quelque chose comme ça. Là. Ouais. C'est une hauteur très respectable. Puis on peut s'amuser pas mal. Mais ça, on parle d'une autonomie de 8 à 10 minutes, je pense. Ce sera pour un autre topo. On va passer au bloc de suggestions. Christian, de ton côté, tu nous parles d'un photobomb céleste. Mais où es-tu allé chercher ça? Quand j'ai vu ça, j'étais tellement crampé. Tout le monde sait c'est quoi un photobomb. Ce qui consiste, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous prenez une photo d'un sujet, puis dans l'arrière-plan, il y a quelqu'un ou quelque chose qui crée une situation que vous n'avez pas prévue. Ça peut être, mettons, je ne sais pas, moi, j'en ai vu quelques-uns des très drôles où ce que tu as du monde ordinaire, puis qu'il y a un acteur qui s'en vient en arrière, puis qui fait une face incroyable ou des choses comme ça. Il y avait une rumeur qui disait que... Bill Murray était fort là-dessus. Mais c'est ça, il y en a qui disaient, qui criaient au Photoshop, mais non, il faisait vraiment ça, Bill Murray. Oui. Ben tu sais, on n'a pas de misère à le croire. Non, pas vraiment, disons, dans ce cas-là. Là. D'ailleurs, ben excuse-moi. Oui, vas-y. S'il y en a qui veulent un exemple, j'en ai un dans mon mon album du Comic-Con de l'année dernière, il me semble. Je mettrai le lien dans les notes d'épisode. Parce qu'il y avait un type qui était venu faire un photobomb dans ma photo. Ah, OK. Qui était déguisé lui aussi. Un autre cosplayer. OK. Mais enfin, je mettrai le lien je retrouve la photo. C'est un exemple parfait d'un photobomb. Mais tout ça pour en revenir à notre photobomb céleste. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui faisait une longue exposition pour avoir les étoiles et tout ça. Et il s'est rendu compte d'un léger petit détail, ce qui est à dire que la station spatiale, le ISS, a passé en arrière-plan au même moment et a laissé une très longue traînée pendant qu'elle passait. Donc, c'est un photobomb céleste. La photo est honnêtement très jolie. Oui, c'est super. Ça fait une belle photo. C'est juste que tu as une belle ligne. Ce qui m'est déjà, soit dit en passant, arrivé, mais avec un avion. Ah, OK. Mais c'est... L'année passée, pour en revenir à mon... Quand j'avais fait mes premiers essais de photographie de nuit, j'ai la meilleure photo que j'ai été obligé de la tricher parce que j'avais un putain de traînée d'avion. Fait que j'ai juste comme triché un petit peu puis j'ai passé... Des étoiles en copy-paste. Ça ressemble à ça. Parce que j'étais... Des bouts de ciel. La photo est quasiment parfaite. Il y a juste la maudite ligne. De la merde, je l'enlève puis c'est tout. Ah, mais t'as la grande ours. Ouais, c'est ça. Non, si au moins ça avait été ça, ça aurait pu être cool, mais non, c'était rien qu'une Moses d'avion. Parfait. Ouais. Toi, François, de ton côté? Éric Santerre, qui est un de nos fidèles auditeurs. Oui, salut Éric. Oui, salut Éric. A posté il n'y a pas si longtemps sur Facebook un timelapse. Bon, il y en a des milliers de timelapses maintenant. Tu sais, on est rendu en plus ailleurs. Moi, je vous parle d'un timelapse traditionnel, c'est-à-dire... Appareil photo sur trépied, pointé vers un endroit. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de zoom-in, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas d'effet de rail, rien du tout. C'est du time-lapse comme s'il se faisait il y a longtemps. Pur, mais le sujet, c'est ça qui fait que c'est exceptionnel. Lui, il a décidé de suivre des tornades puis des mouvements météorologiques dans le ciel, donc des nuages. Quand le vent se lève, puis quand les systèmes dépressionnaires arrivent, donc, il y a beaucoup de tornades en formation, puis un peu en déformation. Évidemment, tu accélères le mouvement. On voit, c'est spectaculaire. Il fait des effets aussi de HDR, mais tu sais, des corrections dans le ciel pour qu'on voit plus les formes de nuages. Là, c'est clair. Mais de voir le mouvement des nuages, c'est assez... Au début, je me dis, bon, OK, des nuages qui bougent, on en a vu plein, tu sais. Mais non, ça devient assez hypnotique parce que... Il y a beaucoup de vie dans le nuage. Comme là, on regarde une vidéo en ce moment, il y a des éoliennes. Ou des éoliennes qui bougent, puis à cause du timelapse, il y a une espèce d'effet stroboscopique. Mm-hmm. Tu vois, l'hélice, ça se met retourner à l'envers, tout ça. Puis, À peu près 5 minutes. Ben, je l'ai écouté au complet. Au début, je suis là, je vais pas me taper 5 minutes. Tu sais, comme aujourd'hui, on regarde pas une vidéo 5 minutes. Hein? Ben non, je l'ai regardé. J'ai fait comme, je vais prendre le temps. C'est hypnotisant, c'est vrai. Oui. Puis, écoute, il y a des séquences, c'est vraiment là, super. Ouais. Tu vois une queue de tornade qui touche le sol, qui repart, qui revient. C'est vraiment un beau vidéo. Merci, Eric, d'avoir partagé ça avec nous. Parce que, tout à fait, c'est bien. J'aime beaucoup le fait qu'on est revenu à des vidéos plus statiques, tu sais. Oui. Dans le plus pur, là, dans le timelapse. T'es un puriste, toi, je pense. Ben non, j'ai juste content d'avoir retrouvé ça. Wow. Puis, il maîtrise bien aussi la fin de la journée vers le début de la nuit. C'est niaiseux, là, mais tu sais, contrôler l'ouverture de la caméra pour toujours voir le ciel quand il arrive, quand les étoiles se mettent à apparaître, c'est pas évident. Là. Non, c'est pas évident. Fait que moi, je sais même pas comment on le fait, j'en ai pas fait de timelapse encore. Mais bon, voilà. Fait que, ils s'envoient de la pluie, là, tu sais, que c'est... Bon, vous pouvez pas le voir dans le podcast, mais moi, je m'extasie en ce moment là, devant les images. Fait que voilà, vous irez voir ça. Ça vaut la peine. Oui. Bon, merci. Et puis, je vous parlais, moi, que j'ai une petite passe de noir et blanc ces temps-ci. Moi, j'ai trouvé une sélection de photos noir et blanc contrastées, punchées, si on veut. Et la majorité, ce sont des photos de paysages. Et on voit, ça peut être une route, ça peut être une montagne, une rivière, une ville, un paysage urbain. Puis, les photos sont vraiment, justement, très contrastées, très... Il y a des longues expositions parce qu'on voit l'eau. Des ultra longues expositions là-dessus. C'est ça, on voit l'eau et les nuages qui sont très filamenteux, très laiteux et tout ça. Mm-hmm. Mais ça fait de superbes effets. Et les photos viennent à peu près toutes, je crois, de 500 pics, de divers photographes. C'est pas tout le même photographe. C'est une sélection que quelqu'un a fait. Okay. Et c'est sur le site de DPS, digitalphotographyschool.com. Et je mettrai évidemment le lien. Écoute, il y a je viens de voir des photos de désert. Là. C'est oui. complètement hallucinant. Oui, le ça désert, il y a des photos de buildings. Ouais. Il y a une photo où il y a un avion entre deux buildings, exactement au centre. Là. C'est vraiment superbe. La composition. Pont, ouais. Ah, oui, hey, j'ai... Bon, c'est quelque chose. Oui, c'est ouais. beau. Ouais. Wow. Des parcs, n'importe quoi. C'est vraiment de magnifiques photos qui viennent mettre. Mais le contraste est particulièrement intéressant, je trouve. C'est ça qui est le fun. Là. C'est des contrastes très, très forts. Beaucoup de noir foncé avec presque blanc. Là. Puis moi, ben, quand je traite mes photos en noir et blanc, justement, je vais essayer d'ajouter, pas beaucoup toujours, mais je vais essayer d'aller jouer un peu sur le contraste. Malgré, tu sais, à partir de la prise originale, c'est ça, je fais plus de retouches en noir et blanc là, sur le contraste, l'exposition et tout ça. Et les ombres, les zones claires, etc. Mm-hmm. J'ai beaucoup de plaisir à retravailler mes photos en noir et blanc, j'ai remarqué. Mais ça se prête pas à tout. Non. Mais aller voir celle-là, ça vaut le détour. Cool. Alors voilà, ça conclut ce 78e épisode. Merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Merci, François. Yes, on se voit au 80. Oui, ben au 79 avant, mais 80 bientôt. Oui, ben oui. On va se voir au 80 quand même. Oui, on va se voir, c'est sûr. On va être là aussi. Et on espère vous, ben pas vous voir, mais vous rejoindre dans vos oreilles, chers auditeurs. Merci d'être toujours fidèles. Et ben on sait pas encore vraiment de quoi on va parler au prochain épisode, mais on commence à préparer la liste des sujets. Là. Ça va être, je suis persuadé que ça va être fort intéressant. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de sujets à nous soumettre, n'hésitez pas à nous les envoyer à podcast@objectifnumérique.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, au numérique, Facebook et Google+, Objectif Numérique. D'ici le prochain épisode, à vos déclencheurs!